des larmes sur ma guitare. Pas d'armes, c'est bien trop tard. Gagner, faut plus y croire. Tu t'en vas. Ton combat se termine. Ton allié, la morphine. Ta compagne en sourdine. Tu t'en vas. Puisque tu dois partir, puisqu'on ne peut plus rien faire, je garde nos souvenirs, tout depuis Saint-Lambert. Je sais pas où tu vis, je sais pas si tu m'écoutes, et si le vent t'amène mes questions et mes doutes. Là-bas, sais-tu comme tu vas manquer? Chercherai ton regard tout le temps. Tu t'en aujourd'hui, je te promets, aujourd'hui plus que jamais, tous les jours dans mes pensées, tu seras. Plus rien faire, je garde nos souvenirs depuis Saint-Lambert. Je sais pas où tu vis, je sais pas si tu m'écoutes, et si le vent t'amène mes questions et mes doutes.